Psaume 145. Psaume de louange, composé par David. Aleph, mon Dieu, mon roi, je t'exalterai, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Beth, je te bénirai chaque jour, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. Guimel, l'Éternel est grand et très digne de louange, il n'est pas possible de sonder sa grandeur. Dalet, une génération dira la louange de tes œuvres à l'autre génération, et elles raconteront tes exploits. I, je discourrai de la magnificence glorieuse de ta majesté, et de tes faits merveilleux. Vo, et ils réciteront la force de tes faits redoutables, et je raconterai ta grandeur. Zain, ils répandront la mémoire de ta grande bonté, et ils raconteront avec chant de triomphe ta justice. Et, l'Éternel est miséricordieux et pitoyable, tardif à la colère, et grand en bonté. Tet, l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions sont au-dessus de toutes ses œuvres. Jo, Éternel, toutes tes œuvres te célébreront, et tes bien-aimés te béniront. Kaf, ils réciteront la gloire de ton règne, et ils raconteront tes grands exploits. Lamed, afin de donner à connaître aux hommes tes grands exploits, et la gloire de la magnificence de ton règne. Même, ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination est dans tous les âges. Samech, l'Éternel soutient tous ceux qui s'en vont tomber, et redresse tous ceux qui sont courbés. À jeun, les yeux de tous les animaux s'attendent à toi, et tu leur donnes leur pâture en leur temps. Pe, tu ouvres ta main, et tu rassasies à soi toute créature vivante. Sed, l'Éternel est juste en toutes ses voies, et plein de bonté en toutes ses œuvres. Kof, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux, dis-je, qui l'invoquent en vérité. Resh, il accomplit le souhait de ceux qui le craignent, et il exauce leurs cris, et les délivre. Saint, l'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il exterminera tous les méchants. To, ma bouche racontera la louange de l'Éternel, et toute chair bénira le nom de sa sainteté, à toujours et à perpétuité.